Chapitre 182. La recommandation de réciter le Coran de sa plus belle voix et de demander à celui qui a une belle voix de le réciter pour l'écouter. 1004. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Allah n'a jamais rien écouté avec autant d'attention qu'un prophète doté d'une belle voix, psalmodiant le Coran à haute voix. » Al-Bukhari et Muslim. 1005. Abu Musa, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit « Tu as certes été doté d'une voix aussi belle que celle de David. » Al-Bukhari et Muslim. D'après une autre version de Muslim, ce même compagnon rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit « Si tu m'avais vu hier, en train de t'écouter réciter le Coran. » 1006. Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhuma, rapporte avoir entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, réciter la sourate Le Figuier, At-Tin, sourate numéro 95, au cours de la prière du Isha. Je n'ai jamais entendu de voix aussi belle que la sienne. » Al-Bukhari et Muslim. 1007. D'après Abu Lubaba, Bashir ibn Abd al-Munzir, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui n'embellit pas sa voix en récitant le Coran n'est pas des nôtres. » Abu Daoud, avec une bonne chaîne de narrateurs. 1008. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, relate « Le prophète, alayhi salatu wassalam, m'a dit « Récite-moi le Coran. » J'ai répondu « Ô messager d'Allah, veux-tu vraiment que je te le récite alors que c'est sur toi qu'il est descendu ?» Il dit, alayhi salatu wassalam, « J'aime l'écouter de la bouche d'un autre. » J'ai alors commencé à lui réciter la sourate Les Femmes, An-Nisa. Mais arrivé au verset « Quand sera-t-il quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir, Muhammad, comme témoin contre ces gens-ci » Sourate 4, verset 41. Il me dit « Cela suffit maintenant. » Je me suis alors tourné vers lui et j'ai vu ses yeux déborder de larmes. Al-Bukhari et Muslim.